بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Ayyuha l'ikhwatul kiram, donc ce cours, inshallah, a pour objectif de parachever ce que nous avions commencé au sujet de ce que nous avions commencé au sujet de la différence entre le asl, entre le fondement et de la foi, walazim al-iman, et les implications de l'iman. Donc au dernier cours, nous avions cité les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sur ce sujet. Donc avant de commencer, inshallah, je vais poser un certain nombre de questions pour voir si tout le monde a compris. Donc la première question, ma huwa aslu al-iman? Qu'est-ce que la base de la foi? Le fondement de l'iman? Qu'est-ce que le fondement de l'iman? Qu'est-ce que le fondement de l'iman? Et la question qui suit et qui l'accompagne, qui est: qu'est-ce que l'azimul iman? Qu'est-ce que l'implication de l'iman? Quel est le asul de la foi et quel est le lazim de la foi? Salam. Donc là, Abdul Karim dit: le fondement de l'iman est le cœur et le qalb, et son lazim et les actes sont son lazim est les actes extérieurs. Taïb. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Pour ceux qui ne sont pas d'accord, s'ils savent exposer pourquoi ils ne sont pas d'accord, si ça peut aller à, ça veut dire s'il est possible d'aller un peu plus vite, barakallahu fikum, pour qu'on puisse avancer, inshallah. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. L'art palestinien dit le fondement de l'iman, c'est la connaissance d'Allah et de son messager, etc. Je ne me souviens plus exactement. En fait, ce dont tu as parlé, tu as cité une partie de Asul iman qui est Qawlul iman, Qawlul qalb afwan. Qawlul qalb, la parole du cœur, wa hiya i'tiqadatul qalb. La parole du cœur, ce sont les convictions du cœur. La parole du cœur désigne les convictions du cœur. Les convictions du cœur sont la science, al-ma'rifa, la connaissance, et al-yaqin, la certitude. La connaissance est la certitude. D'accord. Mais est-ce que dans le cœur, il y a simplement des convictions ou y a-t-il autre chose que les convictions? L'Akh Hamza dit la parole et les actes du cœur. Donc le cœur ne contient pas que des convictions, il contient aussi des actes. Il contient aussi des actes. Et aussi bien les paroles, la parole du cœur que les actes du cœur sont une condition, sont un fondement de sont un fondement de la foi. C'est-à-dire la connaissance d'Allah Ta'ala. La connaissance que le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. La connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La connaissance que le prophète est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La certitude de tout ça. Et l'amour d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de la religion d'Allah, la soumission à Allah tabaraka wa ta'ala, et la soumission à sa religion et le suivi intérieur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire l'amour intérieur envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'est des conditions de la validité de la foi. Donc ça, c'est l'origine, c'est dans le cœur, ça, c'est le fondement. Sans ça, personne ne peut être musulman. Ce fondement-là, il a une implication à l'azim. Cette implication-là se représente où? Dans les actes des membres du corps. D'accord. Les actes des membres du corps, ce qu'on appelle la pratique, al-a'mal al-zahira, ça c'est un lazim, c'est une implication de la foi intérieure. Quelqu'un avait posé une question la dernière fois et qui est une question qui est, comment dire, c'est une question qui est bien réfléchie. Et que chacun d'entre nous se doit de se poser. Et c'est le but justement de ces cours, c'est de comprendre. Pourquoi faisons-nous la différence entre la base de la foi et entre l'implication de la foi? Et c'est pour ça que je vais vous poser un certain nombre de questions dans l'espoir qu'on comprenne bien. Al-mahabba, ou hubbullahi azza wa jal, l'amour d'Allah, est-ce que c'est un fondement de la foi ou est-ce que c'est une implication de la foi? L'amour d'Allah, est-ce un fondement, est-ce un asl, ou est-ce que c'est une implication? J'aimerais que tout le monde participe, inshallah, barakallahu fi, comme c'est-à-dire, j'attends la réponse de tout le monde, et après on continue, mais ce serait bien que ça aille vite. Celui qui ne sait pas, qu'il écrive un 2. Enfin, c'est. Non, là, taïb. Donc, la plupart des. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. 5 personnes qui disent, non, 3 qui disent que c'est un asl et 2 qui disent que c'est une implication. Et nous avons 2 autres personnes encore qui disent les deux, c'est aussi bien asl qu'une implication. Taïb. J'espère qu'il y aura plus de participants à la prochaine question, inshallah ta'ala. L'amour d'Allah, c'est un asl, c'est un fondement. C'est un fondement de la foi. Nul ne peut être musulman sans aimer Allah, tabaraka wa ta'ala. Et celui qui déteste Allah dans une chose ne peut en aucun cas être musulman. D'accord? Est-ce bien compris? D'accord. Là, l'autre question, il est impossible qu'une chose soit un amour, soit un asl, un fondement et une implication. Vous allez voir pourquoi par après, Inch'Allah. Le suivi du prophète, le suivi des ordres d'Allah, l'obéissance à Allah. Est-ce que c'est un asl, c'est un fondement de la foi, ou est-ce que c'est une implication de la foi? L'obéissance à Allah, est-ce un fondement de la foi ou une implication de la foi? Certains disent asl, un fondement, d'autres disent une application. C'est barakallahu fikoum, c'est une application de la foi. Et revoyez, s'il vous plaît, barakallahu fikoum, les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qu'on avait citées dans le cours précédent. Les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qu'on avait citées précédemment, où il disait que les actes apparents étaient une c'est la foi qui est dans le cœur. D'accord. Donc, on a vu que l'amour d'Allah, restons, on est arrivé à un point maintenant. L'amour d'Allah, c'est un fondement de la foi. L'obéissance à Allah, c'est une implication de la foi. D'accord. Quelqu'un qui désobéit. Quelqu'un qui désobéit à Allah Ta'ala dans le siyam. Oubliez, laissons le siyam. Quelqu'un qui désobéit à Allah Ta'ala, par exemple, dans dans le vol, par exemple. Quelqu'un qui désobéit à Allah dans le vol et dérobe à quelqu'un, à une autre personne ce qui ne lui appartient pas. D'accord. Est-ce que cette personne-là, s'il n'a pas obéi à Allah, et il n'a pas désobéi, donc il a désobéi à Allah dans le fait de ne pas s'accaparer ce qui ne lui appartient pas et de ne pas prendre aux gens ce qui ne lui appartient pas, est-ce que sa foi disparaît? Est-ce que sa foi disparaît? Est-ce que sa foi, elle disparaît? Celui qui vole, par exemple, celui qui vole, est-ce que il devient mécréant pour ça? Est-ce qu'il perd son islam? Donc on voit que cette personne-là ne devient pas mécréant par son acte et il ne perd pas sa foi par son acte. Bien que l'obéissance à Allah dans le fait de ne pas voler est une implication de l'amour qui est présent dans le cœur. D'accord. Maintenant, quelqu'un qui déteste Allah qui déteste Allah dans une chose qu'Allah il a légiféré. Par exemple, Allah il a demandé de porter le hijab, lui il déteste Allah dans cette chose-là. Mais d'une manière générale, il aime Allah. Qu'Allah nous préserve. Est-ce que cette personne-là est musulman? Celui, par exemple, qui aime Allah dans tout, sauf dans une chose, parce qu'Allah il a prescrit le hijab, donc il n'aime pas Allah dans cette chose-là, qu'Allah nous en préserve. Est-ce qu'il peut être musulman, cette personne? Non, on voit qu'il ne peut pas être musulman, cette personne. Taïb. Donc, ayyuha l'ikhwa, réfléchissez maintenant, on arrive à une conclusion. C'est quoi? C'est que le asl, lorsqu'une chose est un fondement de la foi, n'importe quelle contradiction et opposition à l'une des branches de ce fondement remet en cause la foi en soi. Est-ce bien compris? Lorsqu'une chose est un fondement de la foi, n'importe quelle opposition, quelle soit partielle ou générale, elle remet en cause la foi dans sa totalité. Mais lorsqu'une chose est une implication de la foi, comme pour l'obéissance, l'opposition partielle, c'est-à-dire s'opposer à certaines choses de cette implication, ne remet pas en cause la foi. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que c'est bien compris, ayyuha l'ikhwa? Est-ce que c'est bien compris? Je vais répéter, inshallah, je vais donner un autre exemple. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le hadith al-sahih, Al-imanu bid'un wa sab'una shu'bah. A'laha قول لا أعلاها قول كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان والحياء شعبة من شعب الإيمان. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la foi est composée de 73 à 79 branches. Je répète pourquoi on dit 73 à 79, parce que le terme bid'a dans la langue arabe indique est un nombre ou est un chiffre qui va de 3 à 9. Donc, étant donné que le prophète a dit Bid'a est 70, donc c'est soit 73, soit 74, soit 75, soit 76, soit 77, soit 78, et à la fin 79. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la foi est composée de 73 à 79 branches. La plus élevée d'entre elles est de dire La ilaha illallah. Et la plus élevée d'entre elles est de dire La ilaha illallah. Et la moindre de ces branches de la foi est de retirer une chose qui gêne du passage de la route des gens. Et la pudeur est une branche parmi les branches de la foi. D'accord. Donc on voit que la foi, elle est composée de plein de branches. Mais parmi ces branches-là, vous êtes bien d'accord avec moi, ayyuha l'ikhwa, que certaines branches sont un fondement de la foi. Et que d'autres sont une implication de la foi et qui ne sont pas tous au même degré. La ilaha illallah, c'est un fondement de la foi. Retirer quelque chose qui gêne du passage des gens, c'est une implication de la foi. Mais c'est une implication qui n'est même pas obligatoire, c'est une implication qui est recommandée. D'accord? Ça rentre dans l'iman al-mustahab, dans la foi qui est recommandée. La salat, c'est une implication de la foi. Mais est-ce que c'est une implication qui est une condition de la foi, ou est-ce que c'est une implication qui est simplement recommandée, ou est-ce qu'elle est obligatoire et celui qui l'abandonne n'est pas celui qui l'abandonne est toujours musulman. Là, il y a une divergence entre les savants sur quoi? Pour savoir est-ce que la prière, celui qui l'abandonne, est-ce qu'il est mécréant ou non. Mais ils sont tous d'accord pour dire que iqamat as-salah, min al-iman al-wajib, que l'accomplissement de la prière fait partie de la foi qui est obligatoire. D'accord. Maintenant, l'accomplissement de la prière est une condition de la foi ou pas? À ce moment-là, ils ont divergé. Certains, ils ont dit oui, c'est une condition de la validité de la foi. D'autres, ils ont dit non, ce n'est pas une condition de la validité de la foi. Mais quoi qu'il en soit, ils sont tous d'accord sur une chose, c'est quoi? C'est que la prière n'est pas au même niveau que le témoignage de foi. Car le témoignage de foi et l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk, sont une condition de la validité de la foi. Et sans aucune divergence. Taïb, on continue, Inch'Allah. S'il vous plaît, j'aimerais juste que vous restiez attentifs aux questions afin qu'on puisse avancer. Le fait de désobéir à Allah dans une chose bien donnée, comme le voile par exemple, ou quelqu'un vis-à-vis de dans sa désobéissance parentale, on voit que celui qui désobéit à Allah dans ces choses-là n'a pas forcément remis en cause sa foi. Et sa foi, son iman, est toujours valable. D'accord. Mais nous avons vu une chose, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où on détermine qu'un point donné fait partie du fondement de la foi, bah forcément, celui qui s'oppose à la moindre chose dans ce point-là, sa foi est annulée. Donc on voit qu'il y a une différence, ayyuhal-ikhwa, entre la base de la foi, aslul iman, entre lawazim al-iman, entre les implications de la foi. Est-ce bien compris ce point-là? Parce que ce que je souhaite derrière ça, c'est d'arriver à une autre chose, qui est la différence entre aslul-din et le lazim du din. Le frère pose une question, celui qui ne suit pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait-il partie du asl ou du lazim? Le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en apparence, dans la pratique, c'est un lazim du suivi, c'est un lazim de la foi, et c'est un lazim du suivi de la soumission intérieure à Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, celui qui ne suit jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'obéit jamais à Allah, ta'ala, celui-ci, il ne peut pas être croyant, sa foi est annulée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réalisé la base même du lazim. Le asl du lazim, qui est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou l'obéissance d'Allah, celui qui ne réalise pas la base de l'obéissance d'Allah, c'est-à-dire qu'il n'accomplit aucun acte d'obéissance à Allah, celui-ci, il a annulé sa foi. Mais celui qui obéit à Allah dans certaines choses, et désobéit à Allah dans d'autres, tant qu'il n'y a pas de texte qui prouve que ce dans quoi il a désobéi, et du kufr est un acte qui fait sortir de l'islam, dans ce cas-là, il n'aura pas remis en cause sa foi. Donc l'opposition, je répète, l'opposition partielle, c'est-à-dire en partie à l'implication de la foi, ne remet pas en cause la validité, c'est-à-dire la siha, la validité de la foi. Mais l'opposition totale à l'implication de la foi remet en cause la foi dans sa totalité. Et de même que l'opposition du fond de la base même de l'implication de la foi remet en cause la foi. Je vais donner des exemples concrets. Quelqu'un qui n'obéit jamais à Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui dit la ilaha illallah mais ne fait aucun acte de bienfaisance dans sa vie, cette personne-là ne peut pas être musulman. Il ne peut pas être musulman et sa foi n'est pas valide. Pour quelle raison? Car il n'a pas réalisé l'implication même de il n'a pas réalisé et il s'est opposé à la totalité de l'implication de la foi qui est dans le cœur. L'implication de la foi qui est dans le cœur, quelle est-elle? C'est la pratique externe. Or, à partir du moment où la personne en apparence, elle n'obéit jamais à Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est impossible qu'il croie en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il aime Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, intérieurement. Et on avait cité les paroles d'Ibn Taymiyyah. La différence, ayyuhal ikhwa, entre la parole que nous sommes en train de dire et la parole de Murji'atul Fuqaha, qu'est-ce que c'est? C'est que Murji'atul Fuqaha, il disait, l'a'mal laysat min al-iman. Il disait les actes pratiques ne font pas partie de la foi. Ce n'est qu'une implication parmi les implications de la foi. Nous, on ne dit pas ça. On dit al-a'malu min al-iman, walakin laysat min aslihi wa innama hiya lawazimun lahu. Donc les actes ne sont pas un fondement de la font partie de la foi. Mais ils ne sont pas des fondements de la foi. Ils sont une implication parmi les implications de la foi. Dès lors qu'une personne abandonne tous les actes, à ce moment-là, il est mécréant. Mais celui qui abandonne une partie des actes et en fait d'autres, tant que la partie qu'il a abandonnée, il n'y a pas un texte qui vient montrer que celui qui abandonne telle et telle chose, il est mécréant, comme pour la salat, selon l'avis le plus apparent, Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas dire que, tant qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas dire qu'il n'a pas réalisé la foi. Est-ce bien compris, ayyuha al-ikhwa, inshallah? Naam, le frère dit, si on ne le suit pas de manière absolue, cela touche le asl, alors que si on ne le suit pas sur une chose parmi, naam, si tu le suis, si une personne ne le suit pas du tout, sa foi et le asl même qui est dans le cœur, il disparaît. Mais si une personne le suit dans certaines choses et ne le suit pas dans d'autres, ce que je veux dire le suit, c'est-à-dire s'accorde à ce qu'il fait. S'accorde à ce qu'il fait. Dans ce cas-là, ça ne remet pas en cause la validité de sa foi. Wallahu ta'ala ala wa alam, on continue, inshallah. Est-ce bien compris jusque-là, ayyuha al-ikhwa? Et j'aimerais que toute personne qui soit présente, c'est-à-dire montre qu'il a compris. S'il y a des gens qui n'ont pas compris, qu'ils le disent tout simplement, on n'a pas compris. Et il n'y a aucune honte à le dire. Mais pour mieux comprendre de toute manière ce cours-là, il faudrait revenir aux cours précédents qui ont traité de ce sujet. Donc je répète simplement, après avoir exposé ce point-là, les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah qu'on avait citées. Donc la première, il disait, Rahimahullah wa qawluhu, laysa bittamanni, laysa l'imanu bittamanni, yani l'kalama wa qawluhu bittahalli, yani ayyassira hilyatan zahiratan lahu, fayudhhiruhu min ghayri haqiqatin min qalbihi, wa ma'nahu laysa huwa ma yadhharu min al-qawl, ولا من الحلية الظاهرة ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال فالعمل يصدق أن في القلب إيمانا وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إيمانا لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى dit dans مجموع الفتاوي volume 7 page 294. Sa parole, c'est-à-dire Al-Hassan Basri, lorsqu'il a dit la foi ne se réalise pas par de simples souhaits, de même qu'elle n'est pas une parure en apparence, mais elle est ce qui fut ancré dans les cœurs et que les actes ont rendu véridique. Donc il dit sa parole, Al-Hassan Basri, rahimahullah, la foi ne se réalise pas par de simples souhaits, c'est-à-dire que ce n'est pas une simple parole. Et lorsqu'il dit la foi n'est pas une parure, il signifie que la foi n'est pas une parure apparente, dénudée d'une réelle place dans le cœur. Le sens réel de cette foi ne réside pas dans des paroles, dans les paroles que l'homme tient, ni de sa parure apparente. La parure, c'est ce qui apparaît de lui, mais plutôt c'est ce qui fut ancré au fond du cœur et dont les actes témoignent de la véracité. Mais la foi est ce qui fut ancré au fond du cœur et dont les actes témoignent de la véracité. Donc les actes prouvent la réelle présence de la foi du cœur. Donc les actes prouvent la réelle présence de la foi du cœur. Et en l'absence de pratique, on aura une preuve de l'absence de la foi intérieure. Et en absence de pratique, on aura une preuve de l'absence de la foi intérieure. Donc je vous l'ai mis ici, et c'est exactement ce qu'on avait dit auparavant, c'est que lorsqu'il n'y a pas du tout de pratique en apparence, ça c'est une preuve que la foi du cœur, l'asul iman, il a disparu. Est-ce bien compris? Puis il dit, rahimahullah, car ce qu'il y a dans le cœur, et on avait dit c'était les paroles et actes du cœur sans lesquels la foi ne saurait être valide, nécessite et implique fondamentalement la pratique extérieure. Car ce qu'il y a dans le cœur nécessite et implique fondamentalement la pratique en apparence. Car ce qu'il y a dans le cœur, les paroles et actes du cœur sans lesquels la foi ne saurait être valide, nécessite et implique fondamentalement la pratique extérieure. Au même titre que la disparition du lazim, on a déjà expliqué qu'est-ce qu'était le lazim auparavant, prouve la disparition du nécessitant, c'est-à-dire qui a été à l'origine de ce lazim. Alors ça, on va expliquer, inshallah ta'ala. Bien qu'on avait expliqué au cours précédent, mais je vais répéter. Donc au même titre que la disparition du lazim, de ce qui est une nécessité à la validité d'une chose et son maintien, son implication fondamentale prouve la disparition du nécessitant, c'est-à-dire ce qui a mené et qui est à l'origine de ce lazim-là. Donc étant donné que la foi qui est dans le cœur, c'est elle qui a provoqué les actes, qui a été à la source des actes d'obéissance en apparence, lorsque tous ces actes disparaissent, forcément, la foi qui est dans le cœur, elle a disparu. Lorsque tous ces actes disparaissent, la foi à la base, elle est dans le cœur. Puis découle de cette foi-là, des actes en apparence. Lorsque tous ces actes viennent à disparaître, ça c'est une preuve claire que la foi qui est dans le cœur, elle a disparu. Parce que si la foi, elle était encore dans le cœur, bah à ce moment-là, ces actes-là auraient été au moins présents, même partiellement. Le fait qu'ils aient tous disparu, ça c'est une preuve catégorique et formelle que la foi qui est dans le cœur, elle a disparu. Est-ce que c'est bien compris, ayyou al-ikhwa? Parce que c'est, je tiens à ce que vous compreniez bien ce sujet pour qu'on en arrive après à un autre sujet, inshallah. Et ce sujet n'est qu'une introduction vers l'autre. Taïb. Et pour le plus de détails, inshallah, nous avions mentionné d'autres paroles de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, mais pour ceux qui veulent plus de détails, qu'ils y reviennent, inshallah, ta'ala. Et ce qu'il faut bien comprendre, que lorsque je mentionne tout ça, le but c'est quoi? C'est d'arriver à un autre sujet. Qu'est-ce que Asluddin et quel est le lazim de Asluddin? Parce que certaines personnes, ils ont un problème lorsqu'ils voient que lorsque, par exemple, Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, fait inclus dans Asluddin ce qui réellement n'en fait pas partie, c'est-à-dire lorsqu'on vient leur dire cette chose-là, ne font pas partie, ce ne sont pas des piliers de Asluddin. Certes, ils en font partie de Asluddin, mais ils ne sont pas des piliers, c'est des lawazim, c'est des implications. Mais ils ont été mentionnés, pourquoi? Parce que lorsque le fondement de la foi est réalisé, forcément ça va impliquer ces choses-là, mais ils ne font pas partie du fondement de la foi. Et la différence entre, aussi, au même titre qu'on a fait une différence entre Aslul Iman ou Alawazim al-Iman ou Lazimul Iman, il y a une différence entre Aslul Din ou Alazimul Din. Aslul Din ou Aslul Islam ou Alazimuhu. La différence, qu'est-ce que c'est? C'est que le Asl du Din, qui est l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk, n'importe quelle contradiction et opposition à l'une des branches de ce Aslul Din remet en cause la présence du Din. Donc la personne n'est plus musulmane. Mais l'opposition au lazim de Asluddin, l'opposition partielle, ne remet pas forcément en cause la présence du din. L'opposition partielle ne remet pas en cause forcément la présence du din. Tant que la personne reconnaît et adhère à l'implication de ce asl. Par exemple, à partir du moment où on sait que Asluddin, qu'est-ce que c'est? C'est l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk. On sait forcément que celui qui fait du shirk est un mushrik. Donc le asl, qu'est-ce que c'est? C'est l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk. Le lazim, c'est que celui qui adore Allah est un muwahhid et celui qui abandonne le shirk est un mushrik. D'accord. Celui qui s'oppose à l'adoration d'Allah, il n'adore pas Allah, il s'élève, il fait preuve d'orgueil vis-à-vis d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Est-ce qu'il est musulman celui-ci? Celui qui s'enfle d'orgueil vis-à-vis d'Allah et n'adore jamais Allah, est-ce qu'il est musulman? Celui maintenant qui commet du shirk, qui adore autre qu'Allah Azzawajal, est-ce qu'il est musulman cette personne? Celui qui adore autre qu'Allah Azzawajal, est-ce qu'il est musulman cette personne? Taïb. Donc on voit que le fondement de la foi n'accepte d'excuses ni par ignorance ni par mauvaise compréhension et mauvaise interprétation quant à la nomination. Je ne parle pas du châtiment ici, je parle quant à la nomination. Maintenant, venons-en au lazim, à l'implication. L'implication de l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk, c'est de s'allier aux muwahhidin, se désavouer des mushrikin. Donc, d'être convaincu que les muwahhidin sont en premier. Non, de s'allier aux muwahhidin et de se désavouer des mushrikin. D'accord. Et de même, parmi les implications de Asluddin, c'est de nommer celui qui adore Allah muwahhid. Comme de monothéistes et de musulmans, et celui qui fait du shirk, de mushrik. D'accord. Celui qui s'oppose au principe même à la base. Et il dit, celui qui fait du shirk n'est pas mushrik. Celui qui adore autre qu'Allah n'est pas un mushrik. Il n'adhère pas au principe à son origine. Et il ne reconnaît pas le lazim à son origine. L'implication, il ne l'accepte pas à son origine. Et il n'y adhère pas à son origine. Donc il n'a pas réalisé la base même du lazim. Est-ce que celui-ci, il est musulman? Taïb. Donc, dans le même cas, celui qui ne reconnaît pas du tout, celui qui te dit, celui qui adore Allah seul et qui s'affilie à l'islam et qui ne, celui qui adore Allah seul et qui réalise le tawhid n'est pas un musulman. Il ne reconnaît pas l'implication à son origine. Est-ce qu'il est musulman celui-ci? Celui qui ne reconnaît pas l'implication à son origine, est-ce qu'il est musulman? D'accord. Maintenant, les Khawarij. Je vous donne un exemple vis-à-vis des Khawarij. Les Khawarij, ils ont rendu mécréants les Sahaba. Donc, ils ont nommé celui qui a réalisé le tawhid comme mushrik. Ils n'ont pas qualifié celui qui a réalisé le tawhid de muwahhid et de musulman. Est-ce qu'on peut dire que les Khawarij se sont opposés à Asruddin, à la base de l'islam? Ou est-ce que leur opposition, elle est dans un lazim min lawazim l'islam? Est-ce que l'opposition des Khawarij, elle était sur la base de l'islam ou est-ce qu'elle était sur l'implication de cette base? Les Khawarij, est-ce que leur opposition, elle était sur une base de l'islam ou sur une implication parmi les implications, sur l'implication de cette base-là? Le frère dit sur l'implication. Naam. Est-ce qu'ils ont maintenant remis en cause la base de l'implication qui est que celui qui réalise le tawhid, il est mouahid et il est musulman? Ou est-ce qu'ils ont mis des nouvelles conditions pour juger celui qui fait le tawhid de musulman? Est-ce qu'ils ont remis en cause le principe de base et l'implication de base, le lazim, à son origine, qui est que celui qui réalise le tawhid, c'est un mouahid? Ou est-ce que, au contraire, ils ont reconnu la base, qui est que celui qui réalise le tawhid, c'est un mouahid, mais ils ont mis de nouvelles conditions pour être mouahid, donc ils ont jugé les sahaba mécréants parce qu'ils ont pensé que ce que les sahaba ont fait était un acte qui faisait sortir de l'islam. Est-ce que c'est le premier ou le deuxième? Voilà, des nouvelles conditions. Ils ont remis en cause. Non, juste une chose. Les Sahaba n'ont pas fait de kufr d'un kufr. C'est une autre chose qu'il faudra qu'on explique, Inch'Allah. Les Sahaba n'ont pas fait de kufr d'un kufr. Au contraire, les Khawarij ont rendu mécréants pour une obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Les Sahaba n'ont pas fait de kufr d'un kufr. Ça, on en reparlera, Inch'Allah, par après. Mais les Sahaba n'ont pas fait de kufr d'un kufr. Les Khawarij ont rendu mécréants les Sahaba pour une bonne action qu'ils ont faite. Pour une bonne action qu'ils ont faite. Et la parole de Ibn Abbas, Laysa al-kufr alladhi tadhhabuna ilayhi, ce n'est pas la mécréance vers laquelle vous orientez. Wa innama huwa kufrun duna kufr. Ça, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il n'était pas en train de leur dire que les Sahaba avaient fait du kufr duna kufr. Et on en parlera, Inch'Allah, une autre fois. D'accord. Donc, lorsque les savants ils ont traité de la situation des Khawarij, personne n'a dit que les Khawarij étaient mécréants parce qu'ils ont remis en cause Asluddin. Bien que l'implication de Asluddin, c'est de s'allier aux croyants. Eux, ils se sont désavoués des croyants et ils ont combattu les croyants. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils étaient mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas remis en cause le principe à la base. Ils ont adhéré. Ils ont réalisé la base de l'implication, mais ils se sont opposés à l'une des implications, à l'une des applications, à l'une des composantes de cette implication. Iltazamu asl al-lazim, walakinnahum khalafu fi ba'd juz'iyati hadha al-lazim. Donc ils ont adhéré à la base même de ce lazim, mais ils se sont opposés dans certaines branches et certaines composantes de ce lazim-là. Il est au même titre, par exemple. Celui qui reconnaît que quiconque adore autre qu'Allah est un mouchrik et n'est pas musulman. Mais il a une choubha dans un cas donné. Il dit par exemple, celui qui fait du shirk, ne sachant pas que c'est du shirk, et ne sachant pas que son acte est une adoration, que seul Allah mérite. Et il l'avoue à autre qu'Allah, sans vouloir par là adorer autre qu'Allah. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît que l'adoration n'appartient qu'à Allah. Et il l'avoue donc à autre qu'Allah par preuve de respect, par preuve de salutation. Mais il ne sait pas que ce qu'il fait est une adoration. Celui qui fait ça, c'est un mouchrik. Je ne remets pas en cause le fait qu'il soit mouchrik. Mais celui qui doute de son kofr, est-ce qu'il a remis en cause la base du lazim? Est-ce qu'il a remis en cause le lazim, l'implication de Asuddin, qui est de reconnaître, de faire le takfir, et de considérer que celui qui fait pas, qui ne fait pas, celui qui fait du shirk, ne peut pas être musulman, est-ce qu'il a remis en cause ça? Ou est-ce qu'il s'est trompé dans l'une des composantes et l'une des branches de ce lazim, de cette implication, qui est le takfir de celui qui n'a pas réalisé le tawhid? Est-ce que celui qui c'est le premier ou le deuxième? Est-ce que c'est le premier ou le deuxième? L'Akh dit, il dit ça, c'est, il a ignoré le asl. On a vu juste avant, c'est pour ça que j'ai tenu à ce que vous soyez attentifs pendant les deux cours précédents qu'on avait déjà fait, la différence en ce qui concerne les lawazim, les implications, concernant les implications de Asruddin, Taïb, et de Asr al-Iman, que l'opposition totale au fondement de la. Que l'opposition totale et l'absence de respect de l'implication du lazim de Asr al-Din de Asr al-Iman remet en cause la base même de l'Iman. Taïb. D'accord. Mais on a vu qu'une opposition partielle, c'est-à-dire lorsqu'une personne s'oppose dans certaines choses, comme par exemple quelqu'un qui désobéit à Allah Ta'ala dans le vol, dans l'obéissance parentale, que ça ne remet pas en cause la foi qui est dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a adhéré au principe de base, mais il s'est trompé que dans l'une de ses applications. Et dans aucun cas, on ne peut dire que celui qui a fait ça a ignoré qu'est-ce qu'était que l'iman. Pour quelle raison? Parce que son opposition ici, ce n'est pas une opposition qui est au total. Et on n'a pas de preuve pour dire que cet acte-là, en apparence, est un acte qui est exclu de la sphère de l'islam. Donc, au même titre que Asl iman, que l'iman, nous avons ad-din. Asl ad-din. Certaines choses qui ont été mentionnées dans Asr al-Din ne font pas partie. Certaines choses qui ont été mentionnées dans Asr al-Din ne font pas partie, ne sont pas des piliers fondamentaux dans la religion d'Allah Ta'ala, dans le sens où nul ne peut être musulman sans les avoir réalisées. La preuve, ayyuha l'ikhwa, donc avant de déborder sur ce sujet qui est la preuve que certaines choses qui ont été mentionnées par certains mashayikh ne font pas forcément partie des piliers fondamentaux de la religion dans le sens où nul ne peut être musulman sans, nous allons terminer notre sujet. Celui qui a reconnu la base du lazim et l'origine même du lazim, qui est que celui qui adore autre qu'Allah Azzawajal, il n'est pas musulman. Taïb. Et il a eu une shubha quant au fait que celui qui commet du shirk sans savoir que son acte est une adoration que seul Allah mérite, et qu'il l'avoue à autre qu'Allah, non pas pour adorer autre qu'Allah, mais pour une autre qu'on dit, pour une autre chose, telle que la salutation, et ainsi de suite, et qu'il fait ça donc pour cet autre qu'Allah, tout en reconnaissant que le droit d'adoration absolue n'appartient qu'à Allah, tabaraka wa ta'ala, celui qui doute que cette personne-là n'est pas, comment dire, perd le nom de musulman et se retrouve dans le camp des mushrikines, c'est-à-dire dans tout, dans les ahkam, dans les ahkam, c'est-à-dire c'est les statuts légaux qui vont gérer sa vie en ce bas monde et dans l'au-delà, et ainsi de suite. Est-ce que cette personne-là peut être considérée comme celui qui a remis en cause le principe même de base, qui est que celui qui fait du shirk, que celui qui fait du shirk n'est pas un mushrik? Est-ce que celui qui a remis en cause le principe de base est pareil à celui qui n'a pas remis en cause le principe de base, mais qui a eu une ambiguïté quant à l'application de certaines composantes de ce principe de base? Inch'Allah, j'aimerais juste que vous suiviez, barakallahu fikoum. On a cité des choses qui étaient bien précises, donc s'il vous plaît, répondez aux questions en utilisant ce qu'on, c'est-à-dire au moins donnez-vous la peine, barakallahu fikoum, qu'Allah vous en récompense, de réfléchir sur ce qui a déjà été dit auparavant. Donc, dire il a ignoré ce qu'est le shirk, on a cité toute une introduction auparavant, subhanallah. Ce que je veux dire par là, c'est que au moins réfléchir à l'introduction qu'on a citée auparavant. Quelle est cette introduction-là? C'est lorsque lorsqu'on a parlé de la différence entre le asl et le lazim, et que la disparition du asl, la disparition du lazim dans sa totalité, ou de la base même du lazim, mène à la disparition du asl, mais que l'opposition dans certaines branches du lazim ne remet pas en cause le principe de base. Donc j'aimerais juste que vous réfléchissiez à ça avant de déterminer votre, enfin avant de donner une réponse. Afin qu'on puisse avancer, le but c'est pas de traîner, ni non plus de faire de vous, comment dire, de vous contraindre à adhérer à des choses bien précises. C'est pour ça que j'aimerais juste, barakallahu fikoum, que vous méditiez sur ce qui a été dit. Moi, c'est-à-dire vos réponses, inshallah, on va en discuter par après, mais j'aimerais juste que vous méditiez juste sur ce qui a été cité auparavant. C'est pour ça que ce que j'avais dit au départ, c'est que répondre aux ambiguïtés n'est pas quelque chose qui est simple. Donc c'est pour ça que pour le comprendre, on a déjà fait deux, trois cours avant. Donc si vous avez, pour bien comprendre le cours d'aujourd'hui, il aurait fallu écouter les cours qui étaient déjà les deux cours précédents. C'est pour ça que je comprends que c'est difficile, mais on en a besoin pour exposer certains points qui vont venir par après, inshallah ta'ala. S'il ne kafare pas quelqu'un qui fait du shirk, c'est qu'il ignore le asl din déjà. Taïb, maintenant on va aller sur cette manière de faire, sur cette manière de réfléchir. S'il ne kafare pas celui qui fait du shirk, c'est qu'il ignore asl din déjà. C'est quoi le dalil, la preuve? C'est-à-dire, quelle est la preuve de cette affirmation? Okay, d'accord, un autre frère dit, il ne sait pas différencier le kufr de la foi. C'est quoi le dalil, la preuve? C'est-à-dire, vous savez, c'est des affirmations que vous apportez. La raison humaine n'a rien, n'a aucun, comment dire, n'a aucun impact sur ces sujets-là, à moins qu'elle soit éclairée par la lumière de la révélation. Donc c'est quoi la preuve du Coran et de la Sunna? Si c'est le verset dont tu parles, « Wa inna hadum min al-mushrikin astajaraka » فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. Le verset il dit, et si l'un des mushrikin te demande protection, accorde-lui cette protection jusqu'à qu'il entende les versets d'Allah, puis amène-le jusqu'à un lieu de sécurité. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون, ceci car ils sont un peuple qui ne savent pas. فبارك الله فيكم, يعني soyons moins intelligents. Jazakumullah khair, ce verset n'a rien à voir avec le sujet. Il n'a rien à voir avec le sujet. Le verset parle de quelqu'un qui fait du shirk, ahadum min al-mushrikin, car ils sont un peuple qui ne savent pas. Deuxièmement, ce verset-là a été révélé à une période où ce qui est voulu dire par idhalika bi'annahum qawmun la ya'lamun, pas qu'ils ne savent pas que le shirk est interdit. Non, ce verset il a été révélé alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son message avait été diffusé partout, il avait été propagé. Donc ce qu'il voulait dire par ذلك بأنهم قوم لا يعلمون أي علمهم لم يثمر عملا فلذلك نفى الله عز وجل عنهم هذا العلم لأنه لم يثمر. Donc Allah عز وجل a renié et a nié le fait que ces gens-là aient de la connaissance. Pour quelle raison? Car leur connaissance n'a pas abouti à une pratique. Donc le fait qu'elle n'ait pas abouti à une pratique, donc cette connaissance n'est en rien utile, donc ce n'est pas une science qui est utile. Donc c'est comme si c'était des gens qui en réalité sont ignorants. Allah Azza wa Jalla dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Dit, est-ce que sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Ce verset il a été révélé sur qui? Qu'est-ce qu'il voulait dire par ceux qui savent ici? C'est ceux qui mettent en pratique. Donc ce qui est voulu dire des fois par le savoir dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme l'a montré l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est la pratique de cette science. Et certaines fois, comme il disait Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il disait kafa bil mar'i ithma, kafa bil mar'i ilman khashyatullah wa kafa bil mar'i jahlan ma'siyatuhu. Donc il suffit à l'homme comme obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme science d'Allah, comme science qu'il craigne Allah, et il lui suffit comme ignorance de désobéir à Allah. Quelqu'un qui ne sait pas le shirk, c'est quelqu'un qui n'a pas asl din, tu as besoin d'un dalil pour sa naam, j'ai besoin d'un dalil, barakallahu fik. On n'est pas, excuse-moi, sans être méchant, on n'est pas au souk. Dans le sens où je n'apporte pas ce que je veux, tu n'apportes pas ce que tu veux, personne n'apporte ce qu'il veut. On est des musulmans. Wa bayni wa baynak kitabullah wa sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam. Entre nous, il y a le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous demande un dalil. Tu me dis verset 6, sourate 9. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Est-ce que vous comprenez, subhanallah al-azim, que vous apportez dans la religion d'Allah des choses sans fondement? On vous demande un dalil. Le verset, taïb, laissez s'il vous plaît, inshallah, personne ne bounce personne. Le verset, « فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى » D'accord. Donc il cite le verset 256, sourate 2. Donc s'il te plaît, est-ce que tu es d'accord avec moi que ce verset-là, il y a des gens qui l'ont expliqué, le mufassirin. Regardons ce qui a été dit dans le tafsir du verset. Et on va voir est-ce qu'il parle du sujet dont tu parles. Regarde ce qu'il dit. L'imam le kafir, rahimahullah, il dit « فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحد الله فعبده وحده. Donc il dit, la parole d'Allah Ta'ala, quiconque se désavoue du tarot tout en croyant en Allah aura alors ses silences la plus solide, qui ne peut se briser, et Allah est certes audient et clairvoyant. Il dit, le sens du verset, Man khala'a al-andad wal awthan, celui qui se débarrasse des égaux qui ont été donnés à Allah, et des idoles adorées en dehors d'Allah. Wa ma yad'u ilayhi shaytan. S'il te plaît, juste une chose, barakallahu fik, sois attentif d'abord à l'explication qui va être donnée, puis après tu t'exprimeras. Et donc il abandonne aussi toute chose vers laquelle le shaitan il invite. Il abandonne ce à quoi le shaitan il invite comme adoration d'autre qu'Allah. Wa ma yad'u ilayhi shaitan. Donc et qu'il abandonne tout ce à quoi le shaitan appelle. Et qu'est-ce qu'il voulait dire ici? C'est l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est exactement ce qu'il dit Ibn Kathir. Et qui unifie Allah, fa'abadahu wahda, en l'adorant lui seul, en adorant personne d'autre en dehors d'Allah. Wa shahidan la ilaha illallah, qui témoigne que nul n'est digne d'adoration en dehors d'Allah. Celui-ci, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, aura alors ses silences la plus solide. Faqad thabata fi amri, sa situation sera alors correcte. Wa staqama ala sirat al-muthla, et il se sera tenu droit sur la, droit sur la voie de vérité, was-sirat al-mustaqim, et le chemin de droiture. Et l'imam Tabari rahimahullah, écoute ce qu'il dit. فَمَنْ يَجْحَدْ رُبُوبِيَّةَ كُلِّ مَعْبُودٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Celui qui renie la seigneurie de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. فَيَكْفُرَ بِهَا, en s'en désavouant. Donc comment tu te désavoues de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah? C'est lorsque tu te désavoues de la seigneurie de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, qui croit en Allah, c'est-à-dire وَيُصَدِّقْ بِاللَّهِ أَنَّهُ إِلَهُهُ وَرَبُّهُ, qu'il croit en Allah et qu'il croit qu'Allah et qu'il est convaincu qu'Allah est sa seule divinité et le seul qu'il adore et son seul Seigneur et le seul à qui il voue l'adoration. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, celui-là alors ses silences la plus solide. يَقُولُ فَقَدْ تَمَسَّكَ بِأَوْثَقِ مَا يُتَمَسَّكُ بِهِ, celui-là il aura, cette personne aura alors et se sera alors tenu à la chose à la plus grande chose à laquelle on puisse s'attacher. Min talabil khalas li nafsihi min adhabillahi wa iqabi, car cette chose l'amène à se préserver du châtiment d'Allah et de son châtiment. Donc regarde bien. Et de la punition d'Allah et de son châtiment. Ou dans ce verset barakallahu fik, il y a ton affirmation précédente. Ton affirmation précédente c'était que celui Non, le micro, barakallahu fik, c'est un cours, inshallah, jazakallahu khair. Donc, si tu veux bien, simplement, où dans ce verset, il y a ton affirmation. Le al-kufr bit-tarut, c'est d'abandonner l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. D'en être convaincu que cette adoration est fausse. De savoir que cette adoration est un égarement. Et de l'abandonner. C'est ça, le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. D'accord? Et franchement, à chaque fois, vous apportez des dalils, mais il n'y a rien dans vos dalils. C'est étonnant, subhanallah al-azim. Ce serait bien qu'un jour, vous réfléchissiez au moins aux arguments que vous apportez. Où se trouve une preuve dans la parole d'Allah? Et si l'un des mouchriquins te demande protection, accorde-lui la protection. Accorde-moi la protection. Accorde-leur la protection. jusqu'à qu'ils entendent les paroles d'Allah, puis emmène-les jusqu'à un lieu sûr. Où se trouve cette khair, inshallah. De toute façon, c'est un cours, barakallahu fik. Je veux bien respecter les questions que je posais. C'était aux frères qui ont assisté au cours précédent. Le but, c'était quoi? C'était qu'il n'y ait pas un monologue dans le sens, pour que ces sujets-là soient bien clairs. Mais de toute manière, inshallah ta'ala, l'ensemble de vos ambiguïtés seront exposées, bi'idhnillah. Tu vas assister, tu veux discuter bi'ilm et exposer tes dalils bi'ilm avec science, ahlan wa sahlan, t'es la bienvenue. Si c'est pour me dire verset 256, sourate 2, et à la fin, il n'y a rien dedans qui indique ce vers quoi tu souhaites amener, à la suite, et tu me dis, est-ce qu'il faut que je ramène un dalil pour ça? Subhanallah al-Azim, on dirait que c'est ma religion ou la tienne. C'est la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Naam, tu dois ramener des dalils pour affirmer des choses. Khair, inshallah, je pense que ça vaut pas le coup de continuer la discussion de cette manière-là. Khair, inshallah, on continue. Donc, de toute manière, on allait y arriver à ça. On a parlé de la différence entre le fondement, le asl, entre le asl et entre le lazim, l'implication de cette foi-là. Entre la base de la foi et entre l'implication de la foi. Et au même titre, il y a une différence entre asl din et les implications de din. Et c'est pour ça, inshallah ta'ala, que on va citer qu'est-ce que asl din. Asluddin ayyuha al-ikhwa a été mentionné dans plusieurs versets du Coran. A été mentionné dans plusieurs versets du Coran et entre autres la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa lan fisama laha." Donc quiconque désavoue le taghut tout en croyant en Allah aura alors saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Wa qad fassaraha al-ulama bi annaha 'ibadatu Allah wahdahu la sharika lahu wal kufra والكفر بكل معبود سواه وكلامهم في ذلك كثير. Donc les ahl al-ilm, les gens de science, ont exposé que ce verset et que cette base de l'islam est l'adoration d'Allah seul et unique et le désaveu de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et leurs paroles et leurs avis sur ce sujet sont très nombreuses, mais on va se contenter des paroles de certains d'entre eux, tels que l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah dit, et donc je l'avais cité juste avant mais je le répète maintenant, wa qawluhu faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa an ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul bushra fabashshir 'ibad. Et ceux qui s'éloignèrent du taghut, c'est ceux qui s'éloignèrent de l'adoration du taghut, wa anabu ila Allah, ils sont revenus vers Allah, c'est-à-dire vers l'adoration d'Allah, ceux-là auront la bonne nouvelle. Annonce donc la bonne nouvelle à mes serviteurs. Et parmi les hadiths, ayyuha al-ikhwa, nous avons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim, man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabu ala Allah. Quiconque dit la ilaha illa Allah et désavoue tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens seront alors sacrés, c'est-à-dire par la sacralité de l'islam, et son jugement appartient à Allah, c'est-à-dire à savoir s'il est sincère ou non. Donc de même la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, haqqullah ala ibadi, haqqullah ala ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Le droit d'Allah envers ses serviteurs et qu'il l'adore et qu'il ne lui donne aucun associé. Et dans le hadith, نعم إذن الحديث وفي حديث الضمام بن ثعلبة رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح قال فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من كمن هو كائن بعدك الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئا وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا يعبدون معه التي كانت آباؤنا يعبدون معه قال اللهم نعم وقد قره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الإيمان المجمل ولم يفصل له يعني ما تبقى. Donc dans le hadith de Dammam ibn Thalaba radiyallahu anhu, dans ce que rapporte l'imam Ahmed dans son Musnad avec une chaîne de transmission qui est sahiha, il dit Dammam ibn Thalaba est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit fa'unshiduka Allah ilaha, je te demande au nom d'Allah ta divinité, wa ilaha man kana qablaka, la divinité de ceux qui te précédèrent, wa ilaha man huwa ka'inun ba'daka, la divinité de ceux qui viendront après toi. Allahu amaraka an ta'murana an na'budahu wahdahu la sharika la, la nushrika bihi shay'an. Est-ce Allah t'a-t-il réellement ordonné de nous demander de nous ordonner? Allah t'a-t-il réellement commandé de nous ordonner de l'adorer lui seul et de ne lui donner aucun associé et d'abandonner al-andad les idoles allati kanat aba'una ya'buduna ya'buduna ma'ahu que nos pères et que nos pères adoraient en même temps qu'ils adoraient Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit na'am, le dit Allahumma na'am, et Allah soit témoin que c'est une réalité. Wa qad aqarrahu, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas demandé plus, et il a accepté cette base qui est la base de l'iman. C'est ça asrul iman, ce qui vient après ne rentre pas dans la base de l'iman, ça rentre dans la wazim al-iman. Ça rentre dans aslu Asluddin, c'est ça Asluddin, la base de l'islam. Et ce qui vient après n'entre pas dans Asluddin. C'est des implications de Asluddin. Et nous allons voir par après, Inch'Allah ta'ala. Ou fi hadithi ba'athi mu'adhi ibn ila al-Yaman, radiyallahu an, qala lahu innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab, fal yakuna wala ma tad'uuhum ilayh, shahadatu an la ilaha illallah, fi riwayatin ila yuwahiduh. Il a ayyuhidu Allah. Et dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal dans le Bukhari, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen, il lui a dit à Mu'adh, tu vas te rendre chez des gens et tu vas rencontrer des gens parmi les gens du livre, que la première des choses à laquelle tu les appelles soit le témoignage que nul n'est digne d'adoration dehors d'Allah. Et dans une autre version, que la première des choses à laquelle tu les appelles soit d'unifier Allah dans son adoration. Soit d'unifier Allah. Naam, soit d'unifier Allah. وَالَّدِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنَ أَنْ تُحْصَرُ فِي هَذَا الْمَقَامِ الضَّيِّقِ. Naam. Donc ayo al-ikhwa, ce qu'on peut retenir simplement, فما يكفي من أصل الدين من ناحية التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له. Donc ce qui est suffisant, et ce qui suffit pour être musulman dans le tawhid, c'est l'adoration d'Allah seul, sans lui donner aucun associé. وما في معناه من محبة الله تعالى. Et de même, bien sûr, l'amour d'Allah Ta'ala. Pourquoi ? Parce que c'est un fondement, l'amour d'Allah. L'adoration externe n'est qu'un signe apparent de l'amour interne. Et la soumission externe n'est qu'un signe apparent de la soumission interne. Donc si Allah te demande al-fara, te demande la branche, et ce qui te découle forcément, il te demande l'origine qui est l'amour d'Allah et la soumission intérieure. إِذِ الْحُبُّ أَحَدُ رُكْنَيِ الْعِبَادَةِ وَلَا عِبَادَةَ دُونَ حُبِّنْ. Car l'amour est l'un des piliers de l'adoration et il n'y a pas d'adoration sans amour. Wa l'ikhlasu lahu, de même Allah il te demande d'être lui vouer un culte exclusif. Wa la yumkinu an takuna al-ibadatu khalisatan lillahi duna ikhlas. Et l'adoration ne peut pas être exclusive à Allah sans que la personne ne soit sincère vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne soit sincère vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il l'abandonne l'adoration de tout autre en dehors d'Allah. وَالصِّدْقُ مَعَهُ, de même d'être véridique. Et وَإِلَّا كَانَ عَابِدًا عَابِدًا كَانَتْ عِبَادَتُهُ كَذِبًا. Donc de même d'être véridique, parce que si tu n'es pas véridique, ta foi et ton adoration n'est que pur mensonge, comme ceux qui font ça par hypocrisie. وَالْيَقِينُ فِي تَوْحِيدِ, et la certitude dans son adoration. وَإِلَّا فَإِنَّ الشَّاكَ فِي التَّوْحِيدِ غَيْرُ مُصَدِّقٍ. Pour quelle raison? Car celui qui doute vis-à-vis du tawhid, en réalité, il ne croit pas en la véracité du message. وَغَيْرُ ذَلِكْ مِنَ شُرُوطِ الشَّهَادَتَيْنِ وَمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ قَطْعًا مِنْ مَحَبَّةِ أَهْلِ عِبَادَةِ اللَّهِ وَتَوْحِيدِهِ وَمُوَالَاتِهِمْ إِذْ مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ أَحَبَّ أَهْلَهُ وَعِبَادَهُ الصَّالِحِينَ الطَّائِعِينَ لَهُ وَوَالَاهُمْ وَيَمْتَنِعُ شَرْعًا وَعَقْلًا يُحِبَّ اللَّهَ ثُمَّ هُوَ يُبْغِضُ مَنْ يُحِبُّ اللَّهَ. Donc de même, parmi les implications qui sont forcément obligatoires, c'est d'aimer les serviteurs d'Allah Ta'ala et d'aimer ceux qui ont réalisé le tawhid et de les prendre comme alliés. Et là, c'est un lazim, je répète. Donc celui qui reconnaît la base même de ce lazim, mais a une ambiguïté, et rajoute dans le din, c'est-à-dire rajoute comme condition de la foi, ce qui n'en fait pas partie comme les khawarij, et croit être une mécréance, qui n'est pas une mécréance, celui-ci s'il a une shubha, et qu'il se désavoue des muwahhidin, donc dans ce cas-là, il n'est pas mécréant jusqu'à que l'iqamat al-hujja lui soit établi, comme ce fut le cas des khawarij. Et je vous rappelle juste une chose, parce que certains prennent à la légère la question de l'iqamat al-hujja. Ibn Abbas, habru hadhi al-umma, le plus grand savant de cette umma, ou l'un des plus grands savants de cette umma, a été voir les khawarij et a polémiqué avec eux. 2000 sont revenus et le reste sont restés. Et avec ça, Alors que c'est Ibn Abbas qui a été polémique avec eux, et Ali ibn Abi Talib, quand il les a combattus, on lui a dit: Ah, Ali, est-ce que ces gens-là sont des mécréants? Ah, la min al kufri farro, c'est de la mécréance qu'ils ont fui, ces gens-là. Ceux-là sont nos frères qui se sont révoltés contre nous. Donc, alors que c'est Ibn Abbas qui a été polémique avec eux et qui a été leur faire iqamat al-hujja, lam taqum ala, lam yara aliyun radiyallahu an, anna al-hujja taqad qamat alayhim. Donc, Ali ne considérait pas que le hujja a été établi sur ces gens-là. Donc, comment dire aujourd'hui de certaines personnes, c'est pas Ibn Abbas qui fait iqamat al-hujja, c'est des gens qui sont loin, mais vraiment, on est très très loin d'arriver ne serait-ce qu'à la cheville d'Ibn Abbas, qui, après avoir dit deux, trois mots, ils ont fait Iqamat al-Hujja, khalas, inta al-amr, c'est fini. Fa'afani Allah wa iyaakum min hadha al-amr, yani min hadhi al-mubiqat, ya ikhwa. Qu'Allah nous préserve de ces choses-là, ya ikhwa. De même, parmi وَخَلَعِ الْأَنْدَادِ الَّتِي تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَجْتَنِبُ عِبَادَتَهَا وَيَعْتَقِدُ بُطْلَانَ هَذِي الْعِبَادَ وَيُبْغِضُهَا. De même, parmi les conditions, ce qui suffit pour ce qui rentre dans la base même de din, c'est d'abandonner les idoles adorées en dehors d'Allah Ta'ala, d'abandonner leur adoration, d'être convaincu que leur adoration est fausse, de la détester. وَمَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ قَطْعًا مِنْ بُغْضِ أَهْلِهَا وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ وَتَكْفِيرِهِمْ. Et ça, je répète, ça rentre dans le lawazim. Je parle du takfir. Amma al-takfir, si on vise par le takfir, le fait de ne pas leur donner le nom de muslim, ça rentre dans le lawazim. Mais le fait d'être convaincu qu'ils sont, si on veut dire si on vise par le bara, que d'être convaincu qu'ils sont dans un égarement et qu'ils ne sont pas sur une guidée dans ce qu'ils font comme shirk, et que ce qu'ils font s'oppose à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et au message de tous les prophètes, donc ça fait partie d'Asr al-Din. Mais si on vise par le takfir, le fait de leur attribuer le nom de kafir ou de mushrik et de leur retirer le nom de muslim, ça c'est une autre question, ça rentre dans le lazim. Et là, à ce moment-là, celui qui s'oppose à la base de ce lazim-là, qui dit que celui qui adore autre qu'Allah, dans tous les cas, il est muslim tant qu'il est convaincu que Allah est le seul créateur, celui qui dit ça, il est mécréant. Maintenant, celui qui dit que celui qui adore autre qu'Allah, il est mécréant, ça il n'y a pas de doute, mais s'il est ignorant, il faut lui faire iqamat al-hujja. S'il a une mauvaise compréhension, il faut lui faire iqamat al-hujja. Ça, c'est celui qui a apporté ça, c'est un mubtadi', c'est un innovateur, et il faut que les preuves lui soient clairement exposées. Wallahu ta'ala ala wa alam. Et pour justement concrétiser ce qu'on avait dit, bien que le cours a pris un peu plus de temps que prévu, je termine juste par une parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Il dit, fi kitab al-nubuwat al-safha al-sabi'ata wa al-ashrin, ba'd al-mi'ati al-ula. Donc il dit, Cheikh l'Islam Taymiyyah, dans kitab al-nubuwat, page 127, wa l'islam huwa an yastaslima lillahi la li ghayrihi, faya'bud allaha la yushri wa la yushriku bihi shay'an. ويتوكل عليه وحده ويرجوه ويخافه وحده ويحب الله المحبة التامة لا يحب مخلوقا كحبه لله فمن استكبر عن عبادة الله لم يكن مسلما ومن عبد مع الله غيره لم يكن مسلما. Donc le Cheikh l'Islam Taymiyyah a dit, et l'islam consiste à se soumettre à Allah, non pas à autre qu'Allah. En adore, fayabud Allah, la wala yushriku bihi shay'an. Il adore donc Allah, le serviteur, le musulman adore donc Allah et ne lui donne aucun associé. Et s'en remet intérieurement à Allah. Wa yarjuhu wa yakhafuhu. Et s'en remet intérieurement à Allah seul. Et a espoir en lui seul. Wa yakhafuhu wahda. Et le craint lui seul. Là, lorsqu'il parle du tawakkul, de l'espoir et de la crainte, c'est le tawakkul, l'espoir et la peur qui sont dus une adoration spécifique à Allah. Que nous verrons à un autre moment, inshallah. Wa yuhibbu Allah al-mahabbata at-tamma, il aime Allah d'un amour complet. La yuhibbu makhluqan ka hubbi lillah, n'aime aucune créature comme on aime Allah. Jusqu'à ce qu'il dise Ibn Taymiyyah, faman istakbara an ibadatillah lam yakun musliman. Celui qui s'enfle d'orgueil devant l'adoration d'Allah ne peut être musulman. Wa man abada ma Allah ghayrahu lam yakun musliman, et celui qui adore avec Allah un autre qu'Allah ne peut être musulman. Donc ça, on voit bien que l'islam, qu'est-ce que c'est? C'est d'adorer Allah et de n'adorer personne d'autre qu'Allah. Ce qui vient après, on le verra par après, inshallah ta'ala. Et je termine par une autre parole de Cheikh l'Islam Taymiyyah, où il dit, fi majmou' al-fatawi, volume 3, page 397, wa ibadatullahi wahda hiya asl al-din. Il dit, l'adoration d'Allah seul désigne le asl du din. L'adoration d'Allah seul désigne le asl du din. L'adoration d'Allah seul est le fondement de la religion. وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل. cette base de la religion et cette adoration d'Allah seul est le tawhid avec lequel Allah envoya les messagers, wa anzala bihi al-kutub, et par lequel il révéla les livres et pour lequel il révéla les livres. Faqala ta'ala, Allah ta'ala dit, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min duni ar-rahmani alihatan yu'badun, et questionne ceux qui étaient avant toi parmi nos messagers, avons-nous établi en dehors du Rahman, du tout miséricordieux, une des divinités se devant d'être adorées? Et il dit aussi, rahimahullah, dans Majmou' al-Fatawi, volume 15, page 438, wa aslu ad-dini huwa ibadatu Allah alladhi asluhu al-hubb wa al-inabatu wa al-i'radu 'amma siwa. Il dit, le asl du din, le fondement du din, est l'adoration d'Allah, dont le fondement, dont la base, c'est-à-dire la base de l'adoration, c'est l'amour, le retour sans cesse vers Allah, wa al-i'radu 'amma siwa, et de se détourner de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et de se détourner de tout ce qui est en dehors d'Allah, c'est-à-dire de se détourner de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Wa huwa al-fitratu allati fatara 'alayha an-nas. Et cette base est la fitra, et la prédisposition naturelle sur laquelle Allah a créé les créatures. Cette base est la prédisposition naturelle sur laquelle Allah a créé les créatures. Et une dernière parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawi volume 10 page 15, il dit wali hada kana ra'su al-islam shahadatu an la ilaha illallah. Il dit c'est pourquoi la base de l'islam, le principe fondamental de l'islam est le témoignage que nul n'est digne d'adoration en dehors d'Allah. Wa hiya mutadhamminatun ibadatullah wahda. Et cette base comprend et comporte l'adoration d'Allah seul, wa tarka ibadati ma siwa, et l'abandon de toute autre adoration, de l'adoration de tout autre en dehors d'Allah. Je répète, et ce fondement de l'islam comporte l'adoration d'Allah seul et l'abandon de l'adoration de tout autre en dehors de lui. Wa huwa al-islam al-am alladhi la yaqbalu Allah min al-awwalin wal akhirin dinan siwa. Et ce qui a précédé est l'islam général sur lequel les premiers et les derniers s'accordèrent, et Allah n'acceptera aucune religion, que ce soit des premiers ou des derniers, en dehors de cette religion-là, qui est l'islam général, sur laquelle s'accordèrent tous les messagers. Donc je répète, il dit وَلِهَذَا كَانَ رَأْسُ الْإِسْلَامِ. C'est pour cela que la base, le fondement, le principe fondamental de l'islam est le témoignage que nul n'est digne d'adoration en dehors d'Allah. وَهِيَ مُتَضَمِّنَ. Et ce témoignage comporte et comprend l'adoration d'Allah seul, وَتَرْكَ عِبَادَةِ مَا سِوَاهِ, et l'abandon de l'adoration de tout autre en dehors d'Allah. وَهُوَ الْإِسْلَامِ, et cette adoration d'Allah seul, et l'abandon de l'adoration tout autre en dehors d'Allah. وَهُوَ الْإِسْلَامُ الْعَامِ, c'est l'islam général, sur lequel tous les messagers, tous les prophètes s'accordèrent. Lorsque, ici je fais une parenthèse, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le musnad de l'imam Ahmed, نَحْنُ مَعْشَرُ الْأَنْبِيَا دِينُنَا وَاحِدٌ, nous autres prophètes, notre religion est une, ben c'est ça. La religion commune à tous les prophètes, c'est celle-ci. Il dit wa huwa al-islam al-am, c'est l'islam général. Alladhi la yaqbalu Allahu min al-awwalin wal-akhirin dinan siwa. Allah n'acceptera ni des premiers ni des derniers de religion en dehors de cette religion-là. Qafaqa kama qala ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah ta'ala dit, comme Allah ta'ala dit, et celui qui recherche une autre religion, celui qui recherche autre que l'islam comme religion, فَلَا يُقْبَلَ مِنْ, ça ne sera pas accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. وَقَالَ تَعَالَى شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. Donc Allah témoigne que nul n'est digne d'adoration en dehors de lui, qu'il n'y a de véritable divinité que lui, ainsi que les anges et les gens doués d'intelligence, les gens qui ont ceux qui ont reçu le savoir et les savants, qa'imam bil qist, afin de ça je ne sais pas le traduire, nul n'est digne d'adoration en dehors de lui, al-aziz al-hakim, le puissant, le sage, inna ad-din 'indallahi l'islam, certes la religion auprès d'Allah n'est que l'islam. وهذا الذي ذكرناه, donc Ibn Taymiyyah continue et dit وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين, et ce que nous avons cité précédemment expose et montre et met la lumière sur le fait que أصل الدين, que la base de la religion et le fondement de la religion, في الحقيقة هو الأمور الباطنة من العلوم والأعمال, que le fondement de la religion est en réalité, qu'est-ce que le fondement de la religion en réalité, هو الأمور الباطنة, c'est les choses qui sont intérieures, les sciences et les actions les actes du cœur, c'est ça Asluddin à la base. Et que les actes en apparence ne peuvent être utiles sans cette base qui est dans le cœur, qui est l'ulum ou l'a'mal, ce qu'on avait parlé tout à l'heure, qawl al-qalb wa amal al-qalb, les paroles du cœur et les actes du cœur. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده الإسلام علانية والإيمان في القلب. Donc comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad dans son musnad, l'islam est ce qui apparaît, ce qui paraît en ce qui l'islam désigne ce qui est apparent et la foi est ce qui est dans le cœur. L'islam désigne ce qui est apparent et la foi est ce qui est dans le cœur. Donc ayyuha l'ikhwa, on voit que ici, là, aussi bien, on a cité les preuves du Coran, de la Sunna, et on a cité les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah par après, et on a cité Kalam al-Mufassirin, les paroles des Mufassirin, pour dire quoi? Pour montrer que l'islam, Asluddin, qu'est-ce que c'est? C'est l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk, d'adorer Allah et d'abandonner le shirk. C'est ça la religion, l'islam général sur lequel tous les prophètes se sont accordés. Ce qui vient après, comme takfir des mushrikines, ça on va voir après, ça n'entre pas dans Asluddin, dans le sens où nul ne peut être musulman s'il se trompe sur la moindre des choses quant au takfir des mushrikines. Ça ne rentre pas dedans. Parce que Asluddin, qui est l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk, nul ne peut être musulman sans. Mais le takfir des mushrikines dans certains cas, le takfir de ceux qui font du shirk, dans certains cas, on peut être excusé. Donc ce qui prouve que le takfir des mushrikines ne rentre pas dans Asluddin. Je ne dis pas que c'est ça la preuve que ça ne rentre pas dans Asluddin. La preuve que ça ne rentre pas dans Asluddin, dans le sens où ce n'est pas un rukn, ce n'est pas un pilier de Asluddin, mais c'est un lazim, min lawazim Asluddin. C'est une implication parmi les implications d'Asluddin. C'est ce que nous avons cité auparavant. Les versets du Coran qui ne mentionne pas ça, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne mentionne pas ça. Quant à ceux qui ont dit ça, même si c'est des ulama, leur parole est à prendre ou à laisser, dans le sens où si elle s'accorde avec le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'accepte. Si elle ne s'accorde pas, on ne l'apprend pas. Ceux qui ont dit que le kufr bima yu'badu min dunillah, dans le hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui dit la ilaha illallah et se désavoue tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ils disent se désavouer tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est de faire le takfir des mushrikin. Ça c'est Ça c'est franchement c'est une explication qui est loin. Et les autres savants n'ont pas dit ça. Cheikh Abdullah Babotay n'a pas expliqué le kufr bima yu'badu min dunillah par le fait de faire le takfir des mushrikin. Il a dit non. Le kufr bima yu'badu min dunillah, an ta'taqid anna ibadata ghayrillah, anna ibadata ghayrillah dalal wa khata wa batila. Que tu sois convaincu que c'est une erreur l'adoration d'autre qu'Allah et que c'est un égarement, que ce n'est pas une guidée. Donc, ayyuha l'ikhwa, inshallah, ici se termine le cours et la prochaine fois, j'espère, inshallah, pouvoir continuer dans l'exposé de ces points-là. Je sais que c'est pas évident, mais simplement écouter, réécouter les cours, regarder les versets qu'on a cités, regarder les hadiths qu'on a mentionnés, regarder les tafsirs d'Al et l'Ain qu'on a mentionnés, regarder les paroles de Cheikh Islam Taymiyyah. On n'a rien apporté de nouveau, mais c'est ces gens-là qui rajoutent dans Asluddin ce qui n'en fait pas partie, qui ont rajouté des choses. Ils prennent les paroles de Cheikh Mohammed Abdel Wahab, rahimahullah, comme si c'était une révélation, malheureusement. Alors que Cheikh Mohammed, rahimahullah, premièrement, je ne dis pas qu'ils disent ce qu'ils disent, première chose. Deuxièmement, il faut bien comprendre qu'Alam al-Ilm yustadallu la, la yustadallu bih. On ne le prend pas comme argument, les paroles des gens de science. On ne les prend pas comme argument. On doit chercher des arguments pour affirmer la validité ou non des paroles des gens de science. Pas en faire une référence dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et quand tu leur demandes un dalil, ils te ramènent des dalils qui sont lointains, qui n'ont rien à voir avec le sujet. Comme la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et si l'un des mouchriquins te demande protection, accorde-lui la protection jusqu'à qu'il entende les paroles d'Allah, puis amène-le jusqu'à un lieu de sécurité, ceci car ils sont un peuple qui ne comprennent pas. Mais en quoi ça, ce sont un peuple qui ne savent pas. Mais en quoi ça a à voir avec le sujet ici? En quoi ça a à voir avec le sujet? Et alors que vous voyez les versets, vous voyez les hadiths. Donc c'est à nous maintenant de bien comprendre ce sujet. Et Inch'Allah, s'il y a des questions, je laisse place aux questions sur le sujet. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wallah, donc juste une dernière chose. Ce qui a pu être juste dans cet exposé ne vient que d'Allah seul. Toute erreur, oubli ou omission.